Race plus bras, trace plus bras. Je crois qu'ils sont tous partis. Mais moi je peux pas dormir, pas tout de suite. Je coupe le stream, éteins les lumières, mais dans mon crâne, ça joue encore clair. Le groupe s'est tué, les alertes sont mortes, mais la vibe cogne toujours aux portes. Red Skill dans le noir, guitare usée. Je gratte pour personne, mais je dois chanter. Les doigts sales, la voix brisée, le cœur encore branché sur le dernier raid. Soft footstep, fix big booze on string. Soft footstep, fix big booze on string. Last note before bed. One chord, one thread. Les fidèles sont loin, mais je suis encore enceinte. Vos pseudos comme des ombres au mur. Certains m'ont suivi sans faire de détour. Je pense au drop, au fight, au moment de grâce. Mais là je suis seul et ça m'embrasse. Ride a skill sans décor, sans stream. Juste du bois, des cordes et le spleen. Si t'entends ça, t'es l'un des miens. T'as pas coupé, t'es resté jusqu'à la fin. Wood Creek, distant night when the wakes. Wood Creek, distant night when. Last loop before bed. Sound of ghosts in my head. One last no one last seen. I fade out behind the screen. Lady Pexa, merci d'être resté. À demain ou jamais. Rider Skill, en ligne mais vivant.